gaffe pas mon nez. T'es sûr là? Non, non, parce que je voudrais pas dire. Mais t'as plus un poil sur le caillou quand même. Ah, je vois pas du tout où elle est, ta femme discrète à milieu de la tête. Moi, je vois juste ton nez, hein. Attends, je vais t'expliquer. Je m'étais fait une crête tout en cheveux au milieu de la tête. Mais ça m'a saoulé, alors j'ai tout rasé. Maintenant, on voit encore plus mon nez. Je m'étais fait une crête, mais elle était chiante. C'est pas super chouette, alors pour couper court.